Pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le docteur Nicky Iambo, président namibien par intérim, lui a fait parvenir un message. Le destinataire s'est exprimé satisfait des bonnes relations diplomatiques qui existent comme toujours entre les gouvernements et peuples de deux pays et a souhaité santé au maréchal Kim Jong-un et grand succès dans son travail ainsi que progrès et prospérité au peuple de la République populaire démocratique de Corée.